Chapitre 42e. Ce que la reine avait vu dans une carafe, 20 ans auparavant, au château de Tavernet. Le roi, en se levant de la table de jeu, s'était dirigé vers le groupe de jeunes gens dont les rires joyeux avaient attiré son attention avant même qu'il fût rentré dans le salon. À son approche, le plus profond silence s'établit. « Eh bien, messieurs, demanda-t-il, le roi est-il donc si malheureux qu'il porte la tristesse avec lui ?»« Sire, murmuraient les jeunes gens. La gaieté était grande et le rire bruyant quand nous sommes entrés tout à l'heure, la reine et moi. Puis, secouant la tête, « Malheur au roi, dit-il, devant lesquels on n'ose pas rire. »« Sire, dit monsieur de la Mette, le respect. »« Mon cher Charles, dit le roi, quand vous sortiez de votre pension, les dimanches ou les jeudis, et que je vous faisais venir en récréation à Versailles, est-ce que vous vous priviez de rire parce que j'étais là ? J'ai dit tout à l'heure, malheur aux rois devant lesquels on n'ose pas rire. Je dis maintenant, heureux les rois devant lesquels on rit. Sire, dit monsieur de Castries, c'est que le sujet qui nous mettait en gaieté ne paraîtra peut-être pas des plus comiques à votre majesté. De quoi parliez-vous donc, messieurs ? Sire, dit Sulot en s'avançant, je livre le coupable à votre majesté. Ah, dit le roi, c'est vous, monsieur Sulot. J'ai lu votre dernier numéro des Actes des Apôtres. Prenez garde, prenez garde. À quoi, sire ? Demanda le jeune journaliste. Vous êtes un peu trop royaliste. Vous pourriez bien vous attirer de mauvaises affaires avec l'amant de mademoiselle Théroigne. Avec monsieur Populus, dit en riant Sulot. Justement. Et qui est devenue l'héroïne de votre poème ? Théroigne ? Oui, je n'entends plus parler d'elle. Sire, je crois qu'elle trouve que notre révolution ne marche pas assez vite, et qu'elle est allée activer celle du Brabant. Votre Majesté sait, probablement, que cette chaste amazone est de Liège. Non, je ne savais pas. Était-ce à propos d'elle que vous riez tout à l'heure ? Non, sire, c'était à propos de l'Assemblée nationale. Oh, messieurs, alors vous avez bien fait de redevenir sérieux en m'apercevant. Je ne puis permettre que l'on rie de l'Assemblée nationale chez moi. Il est vrai, ajouta le roi par manière de capitulation, que je suis non pas chez moi, mais chez la princesse de Lamballe. Ainsi donc, tout en ne riant plus, ou tout en riant bas, vous pouvez me dire ce qui vous faisait rire si haut. Le roi sait-il de quelle chose il était question aujourd'hui pendant toute la séance à l'Assemblée nationale ? Oui, et cela m'a même fort intéressé. N'a-t-il pas été question d'une nouvelle machine à exécuter les criminels ? Offerte par monsieur Guillotin à la nation. Oui, sire, dit Sulot. Oh, monsieur Sulot. Et vous vous moquiez de monsieur Guillotin, d'un philanthrope ? Ah ça, mais vous oubliez que je suis philanthrope moi-même. Oh, sire, je m'entends. Il y a philanthrope et philanthrope. Il y a, par exemple, à la tête de la nation française, un philanthrope qui abolit la torture préparatoire. Celui-là, nous le respectons, nous le vénérons. Nous faisons plus, celui-là, nous l'aimons, sire. Tous les jeunes gens s'inclinèrent d'un seul mouvement. Mais, continua Sulot, il y en a d'autres qui, étant déjà médecins, qui ayant entre les mains 1000 moyens plus adroits ou plus maladroits les uns que les autres de faire sortir les malades de la vie, cherchent encore le moyen d'en faire sortir ceux qui se portent bien. Ah, par ma foi, cela, sire, je prierai votre majesté de me les abandonner. Et qu'en ferez-vous, monsieur Sulot ? Les décapiterez-vous sans douleur ? Demanda le roi, faisant allusion à la prétention émise par le docteur Guillotin. En seront-ils quittes pour sentir une légère fraîcheur sur le cou ? Sire, c'est ce que je leur souhaite, dit Sulot, mais ce n'est pas ce que je leur promets. Comment, ce que vous leur souhaitez ? Dit le roi. Oui, sire, j'aime assez que les gens qui inventent des machines nouvelles les essaient. Je ne plains pas fort, maître Aubriot, essuyant les murs de la Bastille, et messire Enguerrand de Marigny, étrennant le gibet de mon faucon. Malheureusement, je n'ai pas l'honneur d'être roi. Heureusement, je n'ai pas le bonheur d'être juge. Il est donc probable que je serai obligé de m'en tenir vis-à-vis du respectable Guillotin à ce que je lui promets et à ce que j'ai déjà commencé de tenir. Et qu'avez-vous promis, ou plutôt, qu'avez-vous tenu ? Mais il m'est venu dans l'idée, sire, que ce grand bienfaiteur de l'humanité devait tirer sa récompense du bienfait lui-même. Or, demain matin, dans le numéro des Actes des Apôtres qu'on imprime cette nuit, le baptême aura lieu. Il est juste que la fille de M. Guillotin, reconnue aujourd'hui publiquement par son père en face de l'Assemblée nationale, s'appelle Mademoiselle Guillotine. Le roi lui-même ne put s'empêcher de sourire. « Et, dit Charles Lamette, comme il n'y a ni noces ni baptême sans chansons, M. Sulot a fait sur sa filleule deux chansons. »« Deux ? » fit le roi. « Sire, dit Sulot, il en faut pour tous les goûts. »« Et sur quel air avez-vous mis ces chansons-là ? » ?»« Je ne vois guère que l'air de De Profundis, dit l'oreille. »« Fis donc, sire, votre majesté oublie l'agrément qu'on aura de se faire couper le cou par la fille de M. Guillotin. » C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'eux à la porte. Non, sire. L'une de mes chansons est sur un air fort à la mode, celui du menuet d'Exodet. L'autre est sur tous les airs, c'est un pot pourri. Et peut-on avoir un avant-goût de votre poésie, monsieur Sulot ? Demanda le roi. Sulot s'inclina. Je ne suis pas de l'Assemblée nationale, dit-il, pour avoir cette prétention de borner les pouvoirs du roi. Non, je suis un fidèle sujet de Sa Majesté, et mon avis est que le roi peut tout ce qu'il veut. « Alors, je vous écoute. »« Sire, dit Sulot, j'obéis. » Et il chanta, à demi-voix, sur l'air du menuet d'Exodet, comme nous avons dit, la chanson suivante. « Guillotin, médecin, politique, imagine un beau matin que pendre est inhumain et peu patriotique. » Aussitôt, il lui faut un supplice, qui, sans corde ni poteau, supprime du bourreau l'office. C'est en vain que l'on publie que c'est pure jalousie d'un suppôt du tripot d'Hippocrate, qui d'oxyre impunément, même exclusivement, se flatte. Le Romain Guillotin, qui s'apprête, consulte gens du métier Barnabe et Chapelier, même le coupe-tête, et sa main fait soudain la machine qui simplement nous tuera et que l'on nommera guillotine. Les rires des jeunes gens redoublèrent, et quoique tout cela ne parut pas bien gai au roi, comme Sulot était de ses plus dévoués, il ne voulut point laisser voir l'espèce d'émotion qui, sans qu'il s'en rendît compte, lui serrait le cœur. « Mais, dit-il, mon cher monsieur Sulot, vous nous aviez parlé de deux chansons. Voilà le parrain, maintenant passons à la marraine. »« Sire, dit Sulot, la marraine va avoir l'honneur de vous être présentée. La voici, c'est sur l'air « Paris est au roi ». Monsieur Guillotin, ce grand médecin que l'amour du prochain occupe sans fin, savant soudain, prend la parole enfin, et d'un air bénin, il propose peu de choses, qu'il expose en peu de mots, mais l'emphase de sa phrase obtient les bravos de 5 ou 6 sots. Messieurs, dans votre jeunesse, si vous avez décrété pour toute humaine faiblesse la loi de l'égalité, pour peu qu'on daigne m'entendre, on sera bien convaincu que s'il est cruel de pendre, il est dur d'être pendu. Comment donc faire quand un honnête citoyen, dans un mouvement de colère, assassinera son prochain ? Comment donc faire ? En rêvant à la sourdine, pour vous tirer d'embarras, j'ai fait une machine qui met les têtes à bas. C'est un coup que l'on reçoit avant qu'on s'en doute. À peine on s'en aperçoit, car on y voit goutte. Un certain ressort caché, tout à coup étant lâché, fait tomber, berbère, fait sauter, terre-terre, fait tomber, fait sauter, fait voler la tête. C'est bien plus honnête. Eh bien, messieurs, dit le roi, vous riez. Si cependant cette machine de M. Guillotin était destinée à épargner des souffrances terribles aux malheureux condamnés, que demande la société quand elle réclame la mort d'un coupable ? La suppression pure et simple de l'individu. Si cette suppression est accompagnée de souffrances, comme dans la roue, comme dans l'écartèlement, ce n'est plus une justice, c'est une vengeance. Mais, sire, observa Sulot, qui dit à votre majesté que la douleur est supprimée par le fait de la section de la tête ? Qui dit que la vie ne persiste pas à la fois dans ces deux tronçons et que le moribond ne souffre pas doublement, ayant conscience de sa dualité. Cela, dit le roi, c'est une question à faire discuter par les gens de l'art. Au reste, une expérience a dû être faite, je crois, à Bicêtre, ce matin même. Personne de vous n'assistait à cette expérience ? Non, sire, non, non, non, dirent presque simultanément 12 ou 15 voix railleuses. J'y étais, moi, sire, dit une voix grave. Le roi se retourna et reconnut Gilbert, qui était entré pendant la discussion, s'était approché respectueusement, et qui, s'étant tu jusque-là, répondait seulement à l'interrogation du roi. « Ah, c'est vous ! » dit le roi, tressaillant. « Vous étiez là ? » ?»« Oui, sire. » « Et comment l'expérience a-t-elle réussi ?»« Parfaitement sur les deux premiers, sire. Mais au troisième, quoique la colonne vertébrale eût été tranchée, on a été forcé d'achever la section de la tête avec un couteau. » Les jeunes gens écoutaient la bouche ouverte et les yeux hagards. « Comment, sire ? » dit Charles Lamède, parlant visiblement au nom de tous les autres en même temps qu'au sien. On a exécuté 3 hommes ce matin. Oui, messieurs, dit le roi. Seulement, ces 3 hommes étaient 3 cadavres fournis par l'Hôtel-Dieu. Votre avis, monsieur Gilbert ? Sur quoi, sire ? Sur l'instrument ? Sire, c'est évidemment un progrès à côté de toutes les machines du même genre inventées jusqu'aujourd'hui. Mais l'accident arrivé au 3e cadavre prouve que cette machine a besoin de perfectionnement. Et comment est-elle faite ? Demanda le roi, chez lequel s'éveillait le génie du mécanisme. Alors Gilbert essaya de donner une explication. Mais comme le roi, d'après les paroles du docteur, ne pouvait saisir la forme exacte de l'instrument. « Venez, dit-il, venez, docteur. Voici sur une table des plumes, de l'encre et du papier. Vous dessinez, je crois. » « Oui, sire. Eh bien, vous me ferez un croquis, je comprendrai mieux. » Et comme les jeunes gentilshommes, retenus par le respect, n'osaient suivre le roi sans y être invités, « Oh, venez, venez, messieurs, dit Louis XVI, ces questions-là intéressent l'humanité tout entière. » Et puis, qui sait, dit Sulot à demi-voix, qui sait si l'un de nous n'est pas destiné à l'honneur d'épouser Mademoiselle Guillotine. Allons, messieurs, allons faire connaissance avec notre fiancée. Et tous, suivant le roi et Gilbert, se regroupèrent autour de la table devant laquelle, pour exécuter plus facilement son dessein, Gilbert s'assit sur l'invitation du roi. Gilbert commença le croquis de la machine, dont Louis XVI suivit les lignes avec la plus scrupuleuse attention. Rien n'y manquait, ni la plateforme, ni l'escalier qui y conduisait, ni les 2 poteaux, ni la bascule, ni la petite fenêtre, ni le fer taillé en croissant. Il achevait à peine ce dernier détail que le roi l'arrêta. « Parbleu, dit-il, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'expérience ait manqué, surtout à la 3e fois. « Comment cela, sire ? Demanda Gilbert. « Cela tient à la forme du couperet, dit Louis XVI. Il faut n'avoir aucune idée de mécanique pour donner à un objet destiné à trancher une matière offrant résistance la forme d'un croissant. Mais quelle forme, Votre Majesté, lui donnerait-elle donc ? C'est bien simple, celle d'un triangle. Gilbert essaya de rectifier le dessin. Non, non, pas cela, dit le roi, pas cela. Donnez-moi votre plume. Sire, dit Gilbert, voici la plume et la chaise. Attendez, attendez, dit Louis XVI, emporté par son amour de la mécanique. « Tenez, taillez-moi le fer en biseau, ainsi, là, ainsi, et je vous réponds que vous couperiez 25 têtes à la suite les unes des autres sans que le fer rebutât sur une seule. » Il achevait à peine ces paroles qu'un cri déchirant, un cri d'effroi, presque de douleur, retentit au-dessus de sa tête. Il se retourna vivement et vit la reine pâle, chancelante, éperdue, qui tombait évanouie au bras de Gilbert. Poussée comme les autres par la curiosité, elle s'était approchée de la table et, se penchant sur la chaise du roi, elle avait par-dessus son épaule, au moment même où il en corrigeait le principal détail, reconnu la hideuse machine que Cagliostro lui avait fait voir, 20 ans auparavant, au château de Tavernet-Maison-Rouge. À cette vue, elle n'avait eu de force que pour jeter un cri terrible, et la ville ayant abandonné, comme si la fatale machine eût opéré sur elle, elle était, ainsi que nous l'avons dit, tombée évanouie entre les bras de Gilbert.